vient d'acheter ce nouveau PC et il ne se décide à pas vouloir fonctionner. Tu te dis que tes 5000 euros sont gâchés. Tu n'arrives même pas à l'installer et le vendeur a oublié un CD et tes nerfs sont tout doucement en train de lâcher. Calme-toi, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, ça sert à rien de speeder. Calme-toi, tu vas te faire remarquer. Calme-toi, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Une bagnole vient de te griller la priorité. Et comme si c'était pas assez, ils t'ont insulté. Le majeur bien levé, ils ont un message à te passer. Tu te mets à trembler et à t'énerver. Tu aimerais les choper, ce ne sont pas tes amis. Tu veux leur expliquer que tu es contre la sodomie. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, ça sert à rien de speeder. Calme-toi, tu es passé bien monté. Calme-toi, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu ne sais pas comment faire, tu es vraiment en retard. Cet entretien d'embauche, tu le voyais en cauchemar. Car ce putain de boulot, vraiment il te le faut. La voiture est foutue, tu dois prendre le train. Mais la SNCF est en grève parce qu'il pleuvra demain. Tu es soufflé, trempé, ton chômage est dépassé. Mais oui, mais calme-toi, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Oui, vraiment, calme-toi, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, ça sert à rien de speeder. Calme-toi, tu vas finir déprimé. Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, oui, calme-toi, calme-toi, calme-toi.